En direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez Les Aigles de Trois-Rivières. Avec Simon Laliberté à la description du match et Nicolas Ducharme du Nouvelliste à l'analyse. L'équipe de Cifou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du stade Fernand Bédard de Trois-Rivières. Ce soir, c'est fou, 89-1 était supposé de vous présenter le quatrième duel de la série entre les Aigles et les T-Bones de Kansas City. Présentement, le match est toujours à l'affiche. Cependant, on a retardé l'heure du début du match. Donc, du côté de l'organisation des Aigles, on nous mettra, enfin, on mettra une mise à jour à 18h. Donc, encore beaucoup de temps à patienter pour les partisans, les nombreux partisans, disons, qui sont présentement au stade Fernand Bédard. Donc, suivez-nous à C'est fou 89.1. Nous ferons des mises à jour à toutes les 15 minutes pour vous parler de la météo de ce soir au stade Fernand Bédard. Et avant de vous quitter avec une pause musicale, je vais tout de même vous faire entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec le lanceur prévu pour le match de ce soir, Éric Gagné. Éric Gagné, premier départ avec les Aigles, un retour pour toi au baseball professionnel, un premier départ depuis 2009. Comment tu te sens pour ce départ? Oh, mais comme tous les départs, comme toutes les fois que j'arrive en relève, je pense que je suis un petit peu nerveux, mais je suis plus anxieux que d'autres choses. Ça va être le fun. J'ai hâte d'avoir la foule, l'adrénaline qui embarque quand tu lances, puis je suis vraiment excité. Ça va être une belle journée. C'était quoi le processus pour venir à ce premier départ-là avec les Aigles? Ça fait longtemps que tu penses à ça? Oui, puis non. Ce n'est pas vraiment prévu. Je me suis lancé pendant 2 mois environ avec Simon Gravel, avec Justin Terrien. Puis mon bras allait bien. Puis en plus, je me suis lancé, fait 1 mois et demi encore, je me lance. Puis ça va très bien. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. C'est sûr, ça m'a toujours tendu de revenir, mais écoute, pas, mon corps ne peut pas me permettre. Un départ, ça va bien aller, mais le reste, je pense qu'un départ, c'est assez. Dans ta tête, c'est vraiment un départ. Est-ce qu'il y a possibilité de rester avec les Aigles pour d'autres matchs? Non, c'est un départ. Pour les gens qui ont hâte de te voir lancer, qu'est-ce que tu leur promets de te voir sur le but? Quel genre de lanceur que tu es devenu, un lanceur partant, notamment avant que tu étais releveur? Donc, ça va être quoi ton plan de match en tant que tel? Lance des prises, on garde la balle basse. Je pense que tu vas revenir back to basic, en anglais. Je pense qu'on va essayer de lancer le plus de prises possible, garder la balle basse. C'est sûr, la vélocité, moi, je m'en fous un petit peu de la vélocité. Je pense que lancer des prises, mon changement de vitesse, c'est encore très bon. Puis je pense juste utiliser ma défensive puis avoir confiance en mes gars en arrière de moi puis les utiliser à 100%. Merci, bon match, Éric. C'est un plaisir. Voilà, c'est l'entrevue que j'ai réalisée il y a quelques minutes avec Éric Gagné. Donc, pour les gens qui veulent se joindre à nous, comme que je le mentionnais, le match est présentement retardé entre les T-Bones de Kansas City et les Aigles de Trois-Rivières. Donc, demeurez à l'antenne de C'est fou 89.1. Nous ferons des mises à jour à toutes les 15 minutes en vous rappelant qu'en direct du stade de Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. C'est enfin l'été, du 26 juin au 5 juillet au Festivoir de Trois-Rivières. Pour seulement 39$, tu peux aller voir les Cowboys Fringants, Éric Lapointe, Bobby Bazzini, Vilain Pingouin, Who's Bad Michael Jackson Tribute Band et plus de 120 spectacles. Passeport en pré-vente jusqu'au 14 juin chez Métro, Jean Coutu, Beaunard et au festivoir.com. Une collaboration de l'Auto-Québec, Bell, Tourisme Québec et la SAQ. Du 26 juin au 5 juillet, viens t'éclater au Festivoir de Trois-Rivières. Une présentation estivale d'Hydro-Québec. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Que ce soit pour des réparations de portes et fenêtres de tout genre ou que ce soit pour des remplacements de pièces et un service à la clientèle personnalisé hors pair, le Centre de réparation portes et fenêtres est disponible pour vous au 91 des Oblats, secteur 4 de la Madeleine ou contactez-les au 819-375-3666. Le Centre de réparation portes et fenêtres, le connaisseur de vos besoins. Pour en apprendre davantage, pour en entendre parler, pour en discuter et pour partager la passion du sport automobile,

pièce travaillée par Duchess 16 sur l'album Split LP, précédé de Rose Fargo et Velvet sur Masquerade. Et on a débuté, ou Mascarade, c'est du francophone quand même, on a débuté avec Ponctuation et Poésie Automatique sur l'album La Réalité Nous Suffit. C'était les trois nouvelles entrées des palmarès Cifou pour la période du 22 juin au 26 juillet 2015, pendant qu'on attend le retour des aigles qui sont tout trempes en ce moment. Ça doit être difficile avec les habits, ça. Donc, du côté anglophone, si on va entendre d'autres nouvelles entrées, on va commencer avec Metz. Voici The Swimmer tout de suite au 89 FM, c'est fou. C'était Yukon Blonde des Saturday Night sur l'album On Blonde, de nouvelle entrée en 19e place anglophone. Petit fait intéressant, je suis en train de chercher, il y a la phrase Forget About the Golden Girls dans la chanson Oublie les Golden Girls. Les fans de télé des années 80, vous vous rappellerez l'émission de Golden Girls. Au Québec, ça joue sous le nom de Carré de Dame, surprise 2. Mais en France, ça s'appelle les craquantes. Ça me fait bien rire, les craquantes, et toi. C'est Rose Blanche, Dorothée. Et leur amis dans The Golden Girls. Voilà, et juste avant, c'était Matisse, The Swimmer, nouvelle entrée en 20e place sur l'album Hill, ou encore 2. Comment savoir si c'est 2 I ou un I puis un L en majuscule? Aucune idée. Il nous reste encore deux nouvelles entrées du côté anglophone. On va y aller une à la fois parce qu'on sait qu'on va retourner à chaque quelques instants au stade Fernand Bédard, retrouver Nicolas Ducharme et Simon Laliberté pour avoir une petite mise à jour sur le match qui se passe tout à l'heure de baseball des Aigles contre Kansas City. Donc ça s'en vient tout à l'heure, ponctuellement comme ça à travers la prochaine heure. Mais comme je dis, il nous reste deux nouvelles entrées du côté anglophone. Tout à l'heure, il y aura Braids avec Mini Skirt, mais on débute avec la 18e position. C'est The Weather Station, voici Loyalty. Au 89 FM, c'est fou. Numéro 17, anglophone, précédé de The Weather Station et Loyalty. Excellent, excellent, excellent bloc. Ça me manque, les palmarès, c'est fou. Et là, on écoute les palmarès, c'est fou, pour la période du 22 juin au 26 juillet 2015. En attendant, le retour des aigles qui se font, encore une fois, tremper. On nous avait dit qu'il y aurait une mise à jour sur les aigles aux 15 minutes, ça fait une demi-heure. Mais moi, je vais vous le dire, il pleut toujours. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Alors, on va se faire un autre petit bloc de francophone. Pourquoi pas, étant donné qu'on a terminé les nouvelles entrées, on va l'entendre une seule pièce pour l'instant parce qu'elle est plutôt longue. On va y aller pièce par pièce pour l'instant jusqu'à ce qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec ça. Les aigles ce soir, le baseball. Donc, on écoute la 17e place francophone. Voici Lisbonne Telegram et Fugitive. Sur C'est fou, évidemment. J'ai revu la candeur qui se cachait là-bas. Les enflammes nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal. En ne regrettant rien, on se dira du mal. Qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Danser pour voir dans des vagues de nuit, dans un dernier espoir. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. Tout sera anormal. En ne regrettant rien. Badan, avec J'ai plongé dans le bruit sur l'album Mille éclairs. Avant, c'était Lisbonne Télégramme et Fugitive qui descendent de la 13e à la 17e place pour les palmarès Sifou de la période du 22 juin au 26 juillet 2015. Je vous rappelle qu'on est toujours en plein milieu dans un délai pluvial ou pluvieux, comme vous voulez, des Aigles de Trois-Rivières qui jouent ce soir contre l'équipe de Kansas City. On va retourner à Nicolas Ducharme tantôt ainsi que Simon Laliberté pour avoir une petite mise à jour sur ce qui se passe. On sait qu'une décision devrait être prise à 18h si on attend une autre heure parce que, Colin, la pluie empire! Depuis le début, depuis qu'on se parle à 17h10 environ. Donc, on va aller du côté anglophone maintenant pour entendre deux pièces. Tout à l'heure, Dead Cab for Cutie avec Black Sun, mais débutons avec Viet Cong en 16e place. On y va dans l'ordre aujourd'hui, hein? Étant donné que jusqu'à maintenant, on va jouer le palmarès au complet. Viet Cong, voici Newspaper Spoons au 89 FM. Dans vos oreilles. Silent, vanishing in eyes of your father. And there is yours and there is mine. There is a desert veiled in pavement. And there's a city of seven hills. All our debris flows to the ocean. Be so cruel when this black sun revolved around you. There is an answer and a question. And there is beauty in a failure. And there are depths beyond compare. There is a role of a lifetime. And there's a song yet to be sung. And there's a dumpster in the driveway. So cruel when this black sun revolved around you. How could something so fair be so cruel when this black sun for Cutie et Black Sun, précédé de Viet Cong et Newspaper Spoons, les 15e et 16e places du palmarès anglophone pour la période du 22 juin au 26 juillet. Dans quelques minutes, je vous le dis, on va retourner au stade Fernand Bédard juste pour avoir une petite mise à jour sur ce qui se passe avec le match des Aigles de ce soir. Ça s'en vient dans quelques instants, mais avant ça, on attend pour une dernière pièce. Voici la 14e anglophone, Nipom Pom et Faint of Heart. 89.1 FM, c'est fou! Right over the sea. Stanley Pompom et Faint of Heart pour ce numéro 14 qui monte la 20e place, nouvelle entrée du précédent palmarès. On est encore vraiment en quelques minutes de savoir si le match a lieu ce soir. L'organisation des Aigles est en train de faire un gros meeting. On me dit là, que ça va se décider là dans les prochaines secondes. Il est 18h presque. Donc, n'attendez que quelques instants encore pour savoir si le match aura lieu. Ça va être un match bien important. Fait que, tout le monde espère. On va peut-être jouer sous la pluie, on ne sait pas. Mais on a le temps encore pour un petit peu de musique. Hein? Je ne sais pas pour combien de temps, mais allons entendre au moins la 15e francophone. C'est Violence qui descend de 4 avec l'invention du divertissement. Au 89 FM, c'est fou. C'est l'invention du divertissement, 15e place francophone. Des palmarès C'est fou de la période du 22 juin au 26 juillet 2015. Toujours Mathieu Plante en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je devais dire depuis presque 1h50-55 minutes qu'on est retourné au stade Fernand Bédard pour savoir la décision finale. Qu'est-ce qui se passe avec les Aigles ce soir? Est-ce qu'on va pouvoir jouer notre match super important pour des raisons là, multiples? On ne sait pas encore, en fait. La dernière mise à jour que j'ai, c'est que les arbitres vont donner une dernière décision à 18h30. 18h30, ça s'en vient. Mais comme on n'a pas pris de pub depuis une heure, allons-y, on revient avec plus de musique après. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Génial Liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, maintenant en format plus léger pour l'été, tous les jeudis de 10h à 11h. L'équipe de course de Kevin King de la Coupe Nissan Micra tient à remercier tous ses partenaires avant le début de la saison. Bain Magique, Groupe Bocage, Scores Trois-Rivières, Lubrispec, Crédit Virage, Interclôture Combrec et la famille King. L'équipe est toujours ouverte à des offres de partenariat pour améliorer leur saison 2015. Contactez-les au 819-244-7883 pour informations supplémentaires. Suivez la saison 2015 du pilote trifluvien Kevin King grâce à sa page Facebook Kevin King officiel. Contactez-les au 819-244-7883 pour informations supplémentaires. Suivez la saison 2015 du pilote trifluvien Kevin King grâce à sa page officielle Facebook Kevin King officiel. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est enfin l'été, du 26 juin au 5 juillet, au Festivoire de Trois-Rivières. Pour seulement $39, tu peux aller voir les Cowboys Fringants, Éric Lapointe, Bobby Bazzini, Vilain Pingouin, Who's Bad Michael Jackson Tribute Band et plus de 120 spectacles. Passeport en pré-vente jusqu'au 14 juin chez Métro, Jean Coutu, Beaunard et au festivoire.com. Une collaboration de Loto-Québec, Bell, Tourisme Québec et la SAQ. Du 26 juin au 5 juillet, viens t'éclater au Festivoire de Trois-Rivières. Une présentation estivale d'Hydro-Québec. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Ouais, justement, vous écoutez le baseball des Aigles, mais qui n'a pas vraiment lieu en ce moment. À moins que je fasse des bruits de... Donc, Mathieu Plante en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On attend encore des nouvelles par rapport au match de ce soir, la partie, la game des Aigles contre Kansas City qui devait commencer à 17h05, mais comme vous le voyez, si vous regardez dehors, il y a de la pluie et je pense que les joueurs veulent pas se faire mouiller les cheveux. C'est plate, tu sais. Moi, je suis venu, je me suis mouillé les cheveux, je suis tout trempé en ce moment, tu sais. Mais bon, non, je comprends. Hey, vous avez sûrement entendu parler du nombre d'équipes de joueurs de différents sports qui sont morts parce qu'il y avait des éclairs pendant un de leurs matchs, tu sais. Ça arrive, des enfants de main. Fait qu'on prend pas cette décision-là à la légère. On va savoir à 18h30 tantôt, donc dans une vingtaine de minutes, si la partie va avoir lieu. Donc, restez à l'écoute de C'est fou pour savoir ça. Ça s'en vient. Mais avant ça, on a encore de la musique à entendre. Et on est dans les palmarès C'est fou de la période du 22 juin au 26 juillet 2015. On était rendu aux positions 14 et 13. Plus tard, on va entendre les Shrimps et Can Tizard, mais on débute avec Rouge Pompier. Voici Château de Sable au 89 FM. C'est fou! Man, this sucks. You guys said if I got my chest waxed, I'd pick up all kinds of chicks. Mm-hmm. Even on Tinder, I'm not even getting matches. Man, t'es sur Tinder? Yeah. Ok, je vais voir ça. As-tu des photos de tigre avec ton Tinder? Tigre? Ah ouais. T'as une photo de tigre, man. C'est ça qui est trend sur Tinder. Check ça, check ça. Man, I want a picture of Tiger. Alex, Shadi, je sais où est-ce qu'il y a des tigres. « No. Yes. No. No. Yes. Not so nice. No. Ok, j'ai un plan. C'est pas vrai, j'en ai deux. Je veux faire le premier. Pis pas me faire pogner par eux, ça va être solide. Va y avoir tension. Tenter l'impossible. Qu'est-ce que vous faites? On n'est pas venus ici pour regarder le paysage. On est ici pour aller chercher des tigres. Let's go! une forteresse qui me glace d'effroi. In the mirror isn't who I used to be. The person that you left behind isn't who I see. The smell of secrets as they smolder in your mind, unfolding thoughts and prayers and memories you'll find it seems like yesterday. I understood everything so clear, and that's all gone. It's never coming back, and that's all gone away for good, and I'm alright with that. I'm moving on. It's time to look ahead with the past behind me now, and I'm alright with that. And that's all gone. And that's all gone away for good, and I'm alright with that. Can't desert it all gone. Position numéro 13, anglophone, ça monte de 3 places. Avant, on a entendu les Shrimps et le Doute en 13e franco. Et on a débuté avec Rouge Pompier et Château de Sable qui montaient de la 19e place en 14e francophone. Voilà, on est toujours encore une fois en attente d'un verdict par rapport à la partie de baseball de ce soir entre les Aigles et Kansas City au stade Fernand Bédard. Le verdict va être rendu à 18h30 par les arbitres et l'organisation des Aigles. Donc 18h30. D'ici là, on joue de la musique. C'est ce qu'on fait depuis une heure environ. Et je me suis dit que si le match avait lieu et qu'on devait se quitter dans les prochaines minutes, aussi bien aller directement au sommet des palmarès pour aller entendre les deux numéro 1. Hein? Et je trouve qu'elles sont toutes les deux appropriées à l'événement d'aujourd'hui, parce qu'en anglophone, c'est Alabama Shakes et Don't Wanna Fight. On veut pas se battre ce soir, et ça, c'est stable. Et en francophone, c'est Salomé Leclerc vers le sud, parce que si on était dans le sud, peut-être qu'on serait pas en train de se demander si on joue à cause de la pluie, t'sais. On sait pas. Tu cours, je cours aussi, comme si des loups pointaient nos. Tu tombes, je tombe aussi, comme si des pièges sous le tapis guettaient nos corps affaiblis. Les arbres parfois se penchent. Il y a toujours une éclaircie du haut des toits. Thank you. don't cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Living ain't no fun, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Deux numéros 1 des palmarès, c'est fou pour la période du 22 juin au 26 juillet 2015. On vient d'entendre Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. On va bientôt savoir d'ailleurs s'ils vont se battre, les Aigles, contre Kansas City ce soir. Et avant, c'était Vers le Sud de Salomé Leclerc. Comme je dis, dans quelques instants, on va enfin avoir le verdict de la part des arbitres en direct du stade Fernand Bédard, à savoir si le match, la partie aura lieu. Partie très importante et Caroline, je regarde la pluie et ça n'a pas l'air de se calmer. Donc, est-ce qu'on va jouer sous la pluie? C'est ce qu'on va savoir tantôt. Mais avant ça, on va continuer dans le même sens. On a commencé par la fin, tantôt avec les nouvelles entrées, on est allé jusqu'au milieu. On est reparti du numéro 1, on va descendre tant qu'à faire, donc avec les numéros 2. Du côté anglophone, tout à l'heure, Faith No More et Superhero. Mais en francophone, tout de suite, voici Richelieu et Tu quittes. Si on a le temps d'écouter les deux, on va voir. Puis peut-être que je ne vous reparlerai pas non plus, on ne sait pas. Comment prédire la météo? Comment prédire le futur? Si vous le savez, appelez-moi. Vous êtes assez fou, 89 FM. Tout à fait normal. Elle voudra montrer les diapos de mon passé. Philippe Amarassifou pour la période du 22 juin au 26 juillet 2015. Encore deux autres pièces très à propos. On vient d'entendre Faith No More, Plus Aucune Confiance avec Superhero et Richelieu avec Tu Quittes. Tu démissionnes, tu t'en vas. On ne sait pas encore, là, mais j'ai aucune idée du verdict. On avait dit qu'on aurait un verdict à 18h30, à savoir si les Aigles de Trois-Rivières allaient jouer contre Kansas City ce soir au stade Fernand Bédard. Un match qui devait commencer à 17h05. Une heure et demie plus tard, on est encore en attente d'une décision. Ça s'en vient, qu'on me dit. Évidemment, on sait depuis, encore une fois, une heure et demie. On va donc entendre un autre bloc musical. C'est leur perte potentielle et notre gain musical. Hein? Ça vous tente, ça? C'est le fun, ça? Donc, on va continuer avec les positions numéro 3 du côté francophone, c'est Lubic. Voici Cowboys. 89 FM, c'est fou. Down, your days get longer than is the hourglass dragon who's chasing you around. Sit your head on a silver jet stream while the smoke is rising over your thoughts and your dreams. Watch over you, watch them fall down. Your nuts and bolts are all over the ground. You get out, you get out, you get out. Fernand Bédard, vous écoutez Les Aigles de Trois-Rivières. Avec Simon Laliberté à la description du match et Nicolas Ducharme du Nouvelliste à l'analyse. L'équipe de C'est fou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Non. Ça fonctionnera pas. Ben non, ça fonctionnera pas. Dommage, ça. On espérait aller retrouver Simon Liberté en direct du stade Fernand Bédard. Mais non, apparemment que notre lien téléphonique ne fonctionne pas ce soir. Ça doit être la pluie, j'imagine. Donc, je vais vous envoyer ce qu'il me dit. C'est bon? Le match de ce soir contre Kansas City est annulé. Malheureusement. Le prochain rendez-vous, ça va être vendredi prochain à 18h50 en direct du stade Fernand Bédard, toujours avec Simon Liberté. Ça va être contre le New Jersey. Eric, le joueur avec un nom de famille que j'ignore, devait jouer ce soir. C'est un match super important. Nanana, je connais pas le baseball, mais Eric devait jouer ce soir. Et finalement, ça va être remis. Il va faire un autre départ cette année, nous dit-on. C'est les nouvelles que j'ai, c'est les connaissances inexistantes que j'ai pour vous faire le message. Désolé, mais merci d'avoir été avec nous quand même pour ce match. Tant bien que mal, on a rempli avec de la musique et j'espère que ça a été le fun pour vous d'entendre un petit peu des nouveautés musicales du palmarès de C'est fou. Il y en a qui aiment plus ça que le baseball, fait qu'à vous de voir votre verdict à vous personnellement. Moi, c'est Mathieu Plante. Je vous retrouve éventuellement pour un autre match des Aigles. Merci d'avoir été là. On se quitte avec une dernière pause, puis on à vendredi à 18h50. Bye! Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotion. Promotion.

Donc, on se dit à vendredi, 18h50, pour un autre match des Aigles à CFOU 89.1. Le vendredi 12 juin, 21h30, le duo Camaro lance sa troisième compilation d'enregistrement devant public. La dépression du duo Camaro. Pour lancer l'album, le duo Camaro vous invite à un spectacle en formule Big Band, Quatuor 4x4, rencontre le quintet Camion ou le sextet 6 roues dans son salon du Zénon. En première partie, Digit. Le vendredi 12 juin, 21h30, amène ton sourire, le duo Camaro s'occupe du reste. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est enfin l'été, du 26 juin au 5 juillet au Festivois de Trois-Rivières. Pour seulement 39$, tu peux aller voir les Cowboys Fringants, Éric Lapointe, Bobby Bazzini, Vilain Pingouin, Who's Bad Michael Jackson Tribute Band et plus de 120 spectacles. Passeport en pré-vente jusqu'au 14 juin chez Métro, Jean Coutu, Beauna et au festivois.com. Une collaboration de Loto-Québec, Bell, Tourisme Québec et la SAQ. Du 26 juin au 5 juillet, viens t'éclater au Festivois de Trois-Rivières. Une présentation estivale d'Hydro-Québec. En direct du stade Fernand Bédard, c'était Simon Laliberté et Nicolas Ducharme. Rendez-vous au prochain match pour une autre soirée de baseball sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Pour plus d'informations sur les horaires des matchs, consultez le cfou.ca ou lesaigletr.com. L'équipe de CFOU vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 89.1 FM. Pourquoi les oreilles sont pas sèches? 97 au milieu de la 40. Campus, le poste adolescent s'empare d'un local. Les branches des micros, une tripe qui flotte sur la terre. Les deux pieds coulés dans trois rivières. Des animateurs toujours beaux et des admirateurs. Fous de radio.